Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le K2 est-il un cas ? Le K2 est un sommet du Pakistan. Il a tellement la forme d'un tétraèdre qu'on dirait une pyramide presque parfaite. Il s'élève à 8611 mètres d'altitude dans la chaîne montagneuse du Karakoram. C'est le deuxième sommet le plus haut après l'Everest, mais son ascension est beaucoup plus difficile que celle du toit du monde à cause de conditions météorologiques épouvantables, extrêmes et très rapidement changeantes, notamment les vents parfois capables de faire littéralement décoller une cordée. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme la montagne sans pitié. À ce jour, ces pentes ont avalé la vie de 85 personnes. L'ascension du K2 est si difficile qu'elle n'a jamais été réalisée en hivernal. Le nombre de personnes qui sont parvenues à son sommet est seulement de 378 contre plus de 5000 pour l'Everest. 378, pour encore mieux fixer les choses, c'est moins que le nombre de personnes qui ont été envoyées dans l'espace. Mais je m'arrête là car je vous entends vous demander dans votre fort intérieur ce que l'imposant K2 peut bien venir faire dans la conversation scientifique. Il faut donc que je vous raconte une petite histoire. En février 2016 à Chamonix, un ami alpiniste qui s'apprêtait à partir pour le K2 m'a dit un soir « Sais-tu qu'il y a un gars dont j'ai oublié le nom ?» qui a écrit un livre sur mathématiques et alpinisme, un livre qui s'appelle, je crois, « Le cas du K2 », ça le devrait t'intéresser. Dès le lendemain matin, je me suis précipité dans la première librairie venue et j'ai découvert un livre étonnant qui s'appelle en effet « Le cas du K2, mathématiques et alpinisme », un ouvrage d'un genre très spécial. Je pourrais même dire que je n'avais jamais lu de livre qui ressemble même de loin à celui-là. Il a été écrit par un philosophe qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui travaille notamment sur les sciences, qui connaît et manipule les équations de la physique quantique et celles de la relativité générale, qui disserte avec aisance sur les implications philosophiques de ces théories, qui n'ignore rien du calcul tensoriel ni de la dérivation covariante, qui analyse par ailleurs l'œuvre fantomatique de Patrick Modiano, ou encore la métaphore de l'échiquier chez Stefan Zweig, et j'en passe. Ce philosophe s'appelle Daniel Parrocchia. Quant à l'alpiniste qui m'avait parlé de son livre, il se nomme François Damilano. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'ils sont tous les deux en face de moi. Bonjour François Damilano. Bonjour. Bonjour Daniel Parrocchia. Bonjour. J'en ai dit plus sur Daniel Parrocchia que sur François Damilano, donc je vais le présenter un peu plus. François Damilano, vous êtes alpiniste, guide de haute montagne, écrivain, cinéaste. Vous êtes très connu, du moins par tous ceux qui vous connaissent. Pour vos nombreuses ouvertures de cascades de glace, vous avez aussi escaladé des sommets vierges du côté du Dholagiri, je crois, au Népal. Vous avez également gravi l'Everest par l'arête nord en 2014. Vous avez même réalisé un film pendant l'ascension qui s'intitule « On va marcher sur l'Everest ». Et tout récemment, comme je le disais, vous êtes allé au K2. Cela ne s'est pas très bien passé, mais vous avez réalisé là encore un film magnifique, K2, une journée particulière. Et donc, vous avez compris, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre ensemble pour discussion un alpiniste qui est allé au K2, mais qui n'a pas écrit sur le K2, et un homme qui a écrit sur le K2 et qui n'a pas été dans le K2. Alors, est-ce que vous connaissiez ? Alors, on ne se connaissait pas du tout. Je me permets de prendre la parole, Daniel. On ne se connaissait pas du tout. Et pour continuer la petite histoire d'Étienne, avant de partir au K2, je me suis évidemment immergé dans toute la littérature alpine et himalayenne concernant ce magnifique sommet. Et je suis tombé assez par hasard sur ce livre que j'ai immédiatement acheté. Et je dois avouer que depuis un peu plus d'un an, je le reprends régulièrement. Je comprends à peu près un chapitre sur deux, ce qui est pas mal pour moi, c'est-à-dire les chapitres concernant l'alpinisme. Et je dois avouer que j'essaie régulièrement de m'immerger dans les autres chapitres intercalés sur les maths et que je suis totalement largué. Daniel Parrocchia, vous connaissiez François Damilano ? Alors, j'avais vu un film où François Damilano grimpait et descendait d'ailleurs une cascade de glace avec une géologue. C'est un film qui est passé à la télévision. Et alors, j'avais été frappé de de l'aisance et de la décontraction avec laquelle il faisait ça. Ça semblait vraiment facile à le voir. Mais quand on regardait la géologue, ça semblait beaucoup moins facile, en fait. Donc, j'ai immédiatement pensé qu'il devait y avoir derrière beaucoup de techniques et beaucoup de pratiques de l'alpinisme. Voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté cette invitation un peu bizarre, quand même. Et l'idée, c'est de savoir quel rapport avec le K2 vous avez, Daniel Parocca. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre assez étonnant, dont le sous-titre, je le répète, est « Mathématiques et alpinisme ». Et si je peux me permettre de lire la première page, vous citez d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous êtes intéressé au K2. Vous dites ceci: « Un jour de l'hiver dernier, j'ai reçu une lettre d'un inconnu qui commençait ainsi. Je ne suis ni alpiniste ni mathématicien, mais je vous écris parce que je connais une montagne qui porte un nom mathématique et qui a servi de modèle pour dénommer certaines surfaces qui vous sont probablement familières. Peut-être le cas de cette montagne vous intéressera-t-il ?» Et vous continuez en disant: « Effectivement, en mathématiques, certaines surfaces complexes dites compactes, simplement connexes, et dont le fibré canonique est trivial, ont été appelées surfaces K3. Elles doivent leur nom à André Weil, le frère de Simon Weil, qui était un mathématicien sérieux et un alpiniste amateur. Weil les avait ainsi baptisées, disait-il, à cause de Kummer, Keller et Kodaira, les trois mathématiciens qui sont à l'origine de cette conjecture, et de la belle montagne K2 au Cachemire. » Oui, voilà. Alors j'ai pris le prétexte d'une évocation par le mathématicien André Weil de la montagne K2 à propos de certaines surfaces mathématiques dites K3, pour essayer, au fond, de faire un parallèle entre l'ascension dans l'espace réel, qui est celle de l'alpiniste, hein, l'ascension d'une montagne, et le fait d'aborder des problèmes ou des difficultés intellectuelles, qui est le fait du chercheur, que ce soit un chercheur en mathématiques, en physique, ou même peut-être un philosophe, parce que l'un des philosophes qui a le plus évoqué la montagne, les difficultés de gravir, la joie aussi de l'altitude, la raréfaction de l'air en altitude, c'est Nietzsche, avec peut-être d'ailleurs un peu d'impudeur. Aujourd'hui, je dirais, plus personne peut-être ne s'exprimerait de la façon dont Nietzsche s'est exprimé à la fin du 19e siècle, mais il n'empêche que il y a ce parallèle entre l'ascension réelle et, je dirais, le fait de vaincre, d'arriver à vaincre certaines difficultés intellectuelles. Et on remarque ceci dans beaucoup de textes. J'ai cité aussi en exergue un texte du mathématicien Georges de Rame qui compare l'ascension d'un passage difficile en montagne avec la compréhension d'un passage difficile dans une démonstration mathématique, montrant finalement que pour comprendre, il n'y a pas de mystère, il faut tout décomposer. Et il m'a semblé que, contrairement à ce qu'on peut parfois avoir comme vision de l'alpinisme, enfin, ce qu'on avait autrefois peut-être comme vision de l'alpiniste, c'est-à-dire quelqu'un qui se lance vraiment romantiquement dans une ascension un peu folle et ça passe ou ça casse. Au contraire, avec le progrès de la réflexion sur l'alpinisme, le progrès des techniques, la méthodologie qui peu à peu s'est imposée, en particulier dans les techniques alpines, mais probablement aussi dans les techniques himalayennes, on a quand même le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de techniques derrière. Et alors, bien sûr, le K2 est un problème limite parce que là, la météorologie est très importante. Mais mis à part quand même les aléas météorologiques qui sont malheureusement essentiels au K2 et sont capables d'interrompre évidemment une course qui est par ailleurs bien lancée et qui a surmonté les difficultés. Mais donc on a des outils de prévision aujourd'hui. Oui, mais on sait aussi. Voilà, c'est ça. Donc finalement, il y a quand même beaucoup de rationalité dans l'alpinisme. Mais notamment, il y a un chapitre dans votre livre étonnant qui s'appelle « Le problème du sac à dos », oui, dans lequel on trouve des équations d'optimisation et, oui, et des tableaux. C'est parti de là, enfin, le problème du sac à dos, qui est un problème bien connu des informaticiens, mais qui peut... Est-ce que vous pouvez le rappeler pour les auditeurs ? Qui peut avoir de multiples dimensions. Bah, il est parti de l'alpinisme, c'est-à-dire un alpiniste qui fait son sac à dos, il doit... résoudre un problème d'optimisation sous contrainte. C'est-à-dire qu'il faut que son sac reste le plus léger possible et en même temps qu'il emporte le maximum, enfin des objets ayant le maximum d'utilité. Voilà. Enfin, l'utilité qui est nécessaire pour sa course. Et donc, ça, c'est un problème à une dimension, parce qu'il n'y a qu'une seule contrainte. Mais on peut le généraliser. Et les informaticiens, en particulier, qui traitent ce genre de problème avec de la programmation linéaire, ils sont capables, en effet, d'intégrer de multiples formes de contraintes. À ce moment-là, on n'a pas simplement une équation simple comme celle dont j'ai donné un exemple, mais... une matrice plus complexe, enfin, qu'il faut évidemment satisfaire pour pouvoir résoudre le problème. Le problème étant d'arriver au moins à une bonne solution, sinon à la solution optimale qu'on ne trouve pas toujours parce qu'il n'y a pas de méthode pour l'obtenir. Voilà. Est-ce que ça vous parle, François Damilano, le problème du sac à dos? Vous le connaissez sans doute. Oui, bien évidemment que ça parle, parce que c'est le problème essentiel de tout alpiniste, c'est la charge, le poids de la charge. Et mais est-ce que vous écrivez des équations pour le résoudre? Non, alors, sûrement pas. Peut-être inconsciemment. Alors, pour aller sur un terrain plus littéraire, je dirais que l'alpinisme est une forme d'oulipo. Ce n'est jamais qu'un exercice sous contrainte. La contrainte de la montagne, la contrainte de la météo, la contrainte de son propre physique. Donc effectivement, je crois deviner l'intention de Daniel, et effectivement, ça m'a beaucoup amusé de me perdre dans les équations mathématiques en pensant à mon sac à dos, sachant que peut-être que pour le résoudre de manière ultime, on préfère ne pas s'encombrer d'un sac à dos, ce qui est une forme d'alpinisme moderne aujourd'hui, c'est-à-dire de ne partir qu'avec son entraînement, sa force mentale et ses capacités, et en essayant de finalement de se départir de tout poids superflu et d'essayer de faire une performance alpine dans ce sens. Alors on sait pourquoi Daniel Parocchia a écrit sur le K2, il l'a expliqué. Maintenant, pourquoi est-ce que vous y êtes allé, François Damilano? Pourquoi cette montagne? Est-ce qu'elle est particulière? Est-ce que c'est un cas particulier dans l'ensemble des sommets de plus d'une mètre? Il y en a 14. Vous aviez fait l'Everest? Oui, le K2 est évidemment un cas particulier. Donc précédemment, vous l'avez rappelé, j'avais tourné un film lors d'une ascension de l'Everest. Justement sur le désir d'Everest que j'estime un peu enfoui en chacun de nous, quel qu'il soit. C'est une espèce de personnification du désir d'absolu. Le K2 a ceci de particulier que c'est probablement la montagne la plus mythique dans le monde de l'alpinisme. L'Everest parle à tout le monde. Peu de gens finalement se souviennent que le K2 est le second sommet de la Terre. Alors, quant au troisième, le Kanchenjunga, on l'a complètement oublié, c'est une autre histoire. Mais effectivement, ce K2 est très particulier et je pense que tous les alpinistes rêvent un jour ou l'autre de mettre une pointe de crampon sur les pentes du K2, ne serait-ce que pour rencontrer la mythologie propre au sommet. Et qu'il y a son histoire aussi, à la première conquête, aux premières tentatives, la première conquête par les Italiens en 50. Alors qu'il y a plusieurs choses. D'abord, le K2 a effectivement cette forme quasiment parfaite. C'est une grande pyramide. Nous qui sommes des Alpins, on a l'habitude de la comparer aux Cervins, si ce n'est que c'est à peu près 40 Cervins qui seraient empilés les uns sur les autres, hein, ce fameux sommet suisse. Mais vu d'en bas, il a l'air facile. Oui, mais les montagnes vues de leurs pieds sont toujours relativement simples parce que l'effet de perspective écrase le sommet. Il faut toujours prendre du recul, comme toute chose dans la vie, pour en avoir les véritables dimensions. Ceci étant dit, quand on grimpe les pentes du K2, en particulier cet éperon des Abruzzes, qui est donc la voie historique de la première ascension réussie par une expédition italienne en 1954, tout d'un coup, on s'aperçoit de cette énormité de cette montagne, parce qu'on a beau monter, grimper pendant des jours, on n'a toujours pas l'impression de se rapprocher du sommet, alors que le grand glacier du Baltoro, lui, devient ce petit fleuve de glace absolument minuscule, avec ses grandes moraines. Là, on a des photos, nous, dans la tête, qui sont inscrites. C'est le plus grand glacier du monde, il vous semble tout petit, parce que vous êtes voilà, très haut. C'est l'un des plus grands glaciers du monde. Au préalable, on a dépensé 6 ou 7 jours d'efforts pour le remonter, pour installer le camp de base au pied de la montagne. Et puis là, c'est ce petit fleuve de glace, et puis tout d'un coup, on est réellement perdu dans cette immensité de neige et de rochers. Mais en plus, on est perdu dans la mythologie de la montagne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se départir de penser aux premières ascensions. Alors en particulier à cet expédition complètement incroyable mené par des Suisses en 1902, qui n'avaient aucune notion de ce qu'était le mal aigu des montagnes, qui n'avaient aucune notion de ce qu'était la haute altitude, et qui sont partis en emmenant même des traîneaux, en pensant pouvoir justement résoudre le problème du sac à dos cher à Daniel, en tractant des traîneaux sur la pente de la montagne. Et il faudra attendre 1954 pour que des hommes réussissent à vaincre cette cime du K2. Avec toute une histoire qu'on racontera peut-être avec Walter Bonatti, qui a été quasiment laissé pour mort par ses compagnons. Mais quasiment toutes les expéditions ont une histoire qui s'est inscrite dans la mythologie malayenne. Est-ce que ça joue dans le choix que vous faites d'aller sur telle ou telle montagne? Est-ce que l'histoire fait partie des critères de choix? Pour moi, oui, puisque les montagnes ne sont incarnées que par les alpinistes ou par les himalayistes. Pour vous, la montagne, c'est une affaire de récit, finalement. Oui, l'alpinisme ne vit que par les récits. Et j'ai tendance à penser que la montagne est un tas de neige et de rochers particulièrement esthétiques, mais qu'elle ne s'incarne que par ce que l'homme décide de gravir. François Damileno, est-ce que vous savez pourquoi le K2 s'appelle le K2? C'est un nom bizarre, c'est la seule montagne dont le nom soit une lettre et un chiffre. Oui, Daniel Parroquia, vous l'expliquez dans votre livre. Oui. Daniel, rappelez-nous. Alors, il faut remonter au milieu des années 1850, enfin dans le 19e siècle, donc la grande époque de l'alpinisme. Il y a un colonel anglais, le colonel Montgomery, qui faisait des relevés topographiques dans la région du Karakoram, donc aux frontières du Pakistan et de la Chine. Et il nommait les sommets au moyen de la lettre K. K pour Karakoram. Et il suivait un numéro d'ordre en attribuant les numéros en fonction de l'altitude présumée. Alors, il s'est trompé. Il a appelé K1 le Mascherbrum, qui ne fait en fait que 7821 mètres. Et il a appelé K2 le mont Godwin-Austen ou Chogori, enfin, ou Dapsan. Une erreur de perspective. Voilà. Ensuite, il y avait K3, K4, K5. K3, c'est le Broad Peak. K4 et K5, c'est Gescherbrum 1 et 2. Alors, les autres ont été renommés, mais le K2 est resté. Et pourquoi est-ce qu'il est resté? Parce que, en fait, c'est pas le deuxième sommet du Karakoram, mais c'est le deuxième sommet du monde. Et donc, finalement, il n'était pas si mal nommé que ça. Et donc, il a gardé ce sigle qui, je pense, fait beaucoup pour son mystère et pour son attrait, parce que c'est la seule montagne, effectivement, qui soit, à ma connaissance en tout cas, qui soit nommée à l'aide d'une lettre et d'un numéro comme ça. Et puis ça claque le K2. Alors, oui, en plus, la plupart des gens disent Ketu. Ketu, voilà. C'est très joli. Capanoué, c'est très joli en italien, bien évidemment. Mmh. Et la forme même de la lettre K symbolise en partie la montagne. Donc il y a une espèce comme ça de rassemblement de signes ou de Absolument. Symboles qui est très étonnant sur cette montagne. Le 2, on peut le penser comme étant au carré, K au carré, c'est-à-dire oui. C'est encore plus dur. Oui, on dit d'ailleurs que c'est la montagne des montagnes. Ben voilà. Parce que c'est la reine des montagnes, d'une certaine façon. C'est une montagne au milieu des montagnes, c'est-à-dire le K2 ne se voit pas d'aucun lieu habité. Voilà. Il faut aller le chercher. Il faut aller en jeep de Skardu à Skol, et après 10 jours ou 7 Daniel jours, Parroquia, 7 jours. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous y êtes allé. Je me suis intéressé quand même de près. Mais vous n'y êtes pas allé. Alors, j'y suis pas allé, mais bon. Alors, j'y suis allé par l'imagination. Et puis, alors, il y a le film de François Damileno, alors qui nous fait vraiment pénétrer au cœur du K2. Puis, comme il est très bien fait, en plus, on voit très bien la succession des camps. Enfin, le camp de base est plus haut que le Mont Blanc. Le camp de base est plus haut que le Mont Blanc, puisqu'il est à 5000 mètres. Souvent, les camps de base dans la chaîne himalayenne sont plus hauts que le Mont Blanc. On a vraiment un changement d'échelle, même si finalement, ce qui reste à gravir, entre guillemets, n'est pas une différence d'altitude bien supérieure à celle de Chamonix, sommet du Mont Blanc, camp de base du K2, sommet du K2, sauf qu'on est évidemment dans une altitude bien supérieure avec tous les problèmes de manque de pression atmosphérique et d'hypoxie que ça va créer sur le métabolisme humain. Puis il y a quand même aussi, il y a quand même aussi des passages très techniques, comme la cheminée house ou le bottleneck au-dessus de la pyramide noire. Il y a quand même des moments où il faut vraiment être un alpiniste excellent. Hein, voilà, comme disait un écrivain alpiniste, le K2 c'est pointu, c'est une montagne pointue. Et les alpinistes aiment les montagnes pointues, aiment les montagnes radicales. Et c'est vrai que malgré tout, l'Everest, même si c'est une très belle montagne, présente des arêtes qui paraissent, a priori, plus accueillantes. Il n'y a aucun itinéraire relativement facile techniquement sur le K2. Donc ça renforce le désir chez l'alpiniste. L'alpiniste ne désire jamais que de se mettre volontairement dans des positions inconfortables pour mieux en survivre. Alors vous connaissez la règle de l'émission, messieurs, au bout de 20 minutes, on passe un morceau de musique choisi par l'invité. Il y a deux invités, donc il y aura deux morceaux de musique. Le premier a été choisi par François Damilano. Nous allons l'écouter et puis ensuite il nous en reparlera. François Damilano, vous êtes un alpiniste sentimental. Alors pourquoi Bahia, pourquoi la foule sentimentale en portugais? L'altitude et la haute altitude en particulier n'est pas fait pour l'homme. L'homme ne peut pas vivre en très haute altitude. Vivre une expédition, c'est quelque chose de... c'est une expérience rugueuse. Il faut beaucoup d'abnégation. C'est un monde difficile malgré notre motivation. Et quand on m'a demandé de choisir un morceau de musique pour cette émission, j'ai essayé de me replonger dans ces ambiances sur le Bal Toro, où on a besoin par moments de s'oublier, d'oublier le monde qui nous entoure tellement c'est difficile. Alors on s'enferme dans une tente, on s'enferme dans son sac de couchage, on a son iPod et puis on s'évade. Donc la voix chaleureuse de Bia, cette interprétation en portugais de la foule sentimentale, m'a rappelé tout d'un coup les moments qu'on passe en famille, les moments chaleureux qui nous manquent quand on est en expédition. Il y a quelques jours, j'étais avec mon épouse et ma fille à Majorque et il y avait ce disque qui passait en fond musical au bord de mer, sur un restaurant magnifique et tout. Et voilà, j'ai trouvé que ces contrastes de la vie font partie de nos vies d'alpinistes et voilà. On a expliqué dans la première partie de l'émission pourquoi le K2 est un cas particulier. Et vous avez donc réalisé ce film K2, une journée particulière, François Damilano. C'était quoi cette journée particulière? Alors en fait, il y a une petite histoire dans l'histoire, puisque j'avais écrit mon intention de film avant de partir en pensant réaliser un film uniquement en très haute altitude, c'est-à-dire dans les dernières heures de ce qu'on appelle le summit push, entre le départ du camp à 7950 mètres pour atteindre le sommet, dans le monde de l'hypoxie, celui où effectivement l'homme est le plus en difficulté. Et puis il s'avère que les circonstances de l'expédition ont fait que je n'ai même pas atteint le point où j'avais imaginé démarrer l'histoire de mon film. Et il a fallu que j'en fasse autre chose. Donc évidemment, c'était une journée particulière si on avait pu atteindre le sommet, ce qu'on espère toujours quand on part dans une expédition. Et ça devenait une journée d'autant plus particulière qu'on avait failli se faire balayer par une avalanche qui a emporté notre matériel et que l'expédition s'interrompait de manière brutale. Mais vous avez filmé l'avalanche, c'est ça que... Alors j'ai filmé l'avalanche tout à fait, puisque nous étions dans un camp, nous avons entendu l'avalanche, quelqu'un a crié qu'une avalanche venait sur nous, donc j'ai immédiatement sorti une caméra, sorti la tête de la tente, puisque je suis là pour faire un film, donc je suis là pour capter ce qui se passe. C'est quand même un réflexe étonnant. On crie qu'il y a une avalanche, vous sortez une caméra. Alors déjà, on sort parce que moi, en tant que guide, en tant qu'alpiniste, je veux voir ce qui se passe. Je veux pouvoir avoir des éléments d'analyse. pour adapter éventuellement ma réaction. Là, on n'avait pas grand-chose à faire, mais ça n'empêche que je préfère voir. Et puis, de toute façon, je suis tellement obnubilé par mes images. Je suis tellement obnubilé par le film à faire. Et si on ne se met pas dans cet état d'esprit, c'est trop difficile. Gravir la montagne est déjà quelque chose de difficile. Vivre en altitude, une fois de plus, c'est déjà quelque chose de difficile. Donc, si on ne s'obsède pas sur ces images, on ne filme pas. Et moi, mon plaisir, aujourd'hui, c'est de ramener des images de ces Himalayistes en très haute altitude. Donc, la caméra ne me quitte pas. Et mon premier réflexe, effectivement, c'est de filmer. Mais c'est très difficile, là. On a les mains encombrées, il faut grimper en même temps. Oui, mais je dirais que ça fait partie de mon métier. C'est à moi, une fois de plus, de m'affranchir de toutes ces contraintes. Et je dirais que c'est un bonheur supplémentaire de s'affranchir de toutes ces contraintes et d'arriver à ramener des images qu'on a dans la tête ou qu'on sait difficiles à réaliser ou qu'on devine qu'elles vont être rares. Mais il n'y a pas de sentiment de peur, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'angoisse. Si, bien sûr, la peur existe et la peur est tout à fait naturelle. Sinon, on est un être inconscient et on n'a pas notre place en haute montagne. Mais une fois de plus, l'alpiniste, il doit travailler, il doit jouer avec sa peur. Il doit en faire un moteur de survie et il doit la maîtriser de manière à ce qu'elle ne l'envahisse pas. Une peur qui envahit ne vous fait pas avoir les bonnes réactions. Donc, il faut absolument maîtriser cette peur. Et effectivement, il y a une image au moment où je filme l'avalanche qui est tout à fait étonnante parce que je suis tiré à l'intérieur de la tente par l'un de mes compagnons, un Pakistanais avec qui je partage la tente. Et puis, il y a un troisième personnage qui est un autre guide d'haute montagne qui s'appelle Andreas. Et on voit son visage à ce moment-là qui rentre dans le champ de la caméra. Et on sent sur son visage qu'il est figé par une espèce de peur intérieure. Et en même temps, il continue très régulièrement à prendre son petit déjeuner, à s'enfourner des cuillères de céréales comme ça. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Il attend et il maîtrise cette peur qu'on sent l'agiter à l'intérieur. Quelque part dans La Montagne Magique, Thomas Mann écrit « La montagne relève d'une fantastique magie macabre ». Vous n'êtes pas d'accord ? Je sais pas s'il n'y a qu'une magie macabre. Il y a plein d'éléments qui s'entremêlent dans l'alpinisme. Il y a évidemment une notion esthétique qui est très forte. Il y a évidemment une notion humaine. Il y a évidemment le plaisir de l'effort. Mais c'est vrai que ce jeu avec la mort, qui n'est pas uniquement un jeu de mots, est réel dans l'alpinisme. Il est réel dans l'alpinisme pratiqué par tout un chacun. Mais il est d'autant plus prégnant dans l'alpinisme de performance ou de très haute altitude. Faut pas le nier, ça. Dans le cas d'eux, il y a un monument funéraire qui est dédié aux grimpeurs disparus, 85. Voilà. Surtout à la descente, d'ailleurs. Qui a été érigé. Est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce qu'on ressent quand on grimpe et qu'on passe devant ce monument? Oui, alors c'est un mémorial qui a été érigé suite à la disparition d'un grimpeur américain en 1953, je crois, le mémorial Lilquet. Et depuis, symboliquement, toutes les expéditions qui perdent un des leurs vont poser une petite plaque ou un objet de souvenir. Quand on monte vers le K2, moi j'ai tendance à l'éviter. À le laisser. Il y a un mémorial aussi côté tibétain de l'Everest similaire. C'est difficile de se départir de ça. À la fois, on le sait, et en même temps, si on cultive trop ce côté un peu morbide, on fait demi-tour, on rentre à la maison. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui, malgré leur motivation de départ, font demi-tour pendant l'expédition, voire très tôt, lors des premières montées sur la pente. Et c'est toujours étonnant de voir comment des gens peuvent investir ce temps social, professionnel, familial et financier, et finalement, au bout de 2 jours d'escalade, après la marche des proches, partir en étant complètement écrasé par la montagne. Et en fait, on est écrasé par la masse de la montagne, mais on est écrasé également par son mythe et ce qu'elle représente. Et ça, c'est plus vrai pour le K2 que pour l'Everest ou bien l'Annapurna ? C'est vrai partout, mais à partir du moment où vous mettez les pieds sur des montagnes qui sont des mythes absolus, ça vous écrase. Et des fois, il faut se départir de cette littérature, de cette filmographie. Mais c'est pas facile. Et moi, j'en suis incapable puisque ce que j'aime aussi, ce sont les histoires, une fois de plus. Donc, comment ne pas se faire écraser par, effectivement, les récits de nos aînés et se donner une certaine virginité dans ses émotions quand on gravit les montagnes. Daniel Parocquia, on sent que vous êtes fasciné par le K2 et par les mathématiques qui vont avec, on en parlera peut-être. Et pourtant, vous écrivez, le K2 n'est ni sublime, ni infernal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, mais c'était justement en relation avec ce que vous disiez de Thomas Mann, parce que Thomas Mann donc a écrit un livre magnifique qui s'appelle La Montagne Magique que lisent pas seulement les alpinistes, j'imagine, mais beaucoup de gens. Mais très curieusement, ce livre n'est pas consacré vraiment à la montagne. C'est un livre qui est consacré à la maladie, parce que il se passe à Davos, donc un lieu où, à l'époque où se situe le livre, se rencontrent des tuberculeux. Et le livre raconte la vie de ces malades qui sont là dans l'attente de la mort, d'une certaine façon, puisque à l'époque, on ne sait pas soigner la tuberculose. Bien. Et donc, il y a une mythologie de la montagne qui est complètement inversée. Et à son héros, donc Hans Karstop, qui déclare en arrivant qu'il a fait une ascension de 5000 pieds pour atteindre ce sanatorium du Berghof à Davos. Un autre personnage, c'est Ambrini, qui est là depuis très longtemps, lui dit « Vous vous êtes figuré cela. En vérité, nous sommes des créatures qui sommes tombées très bas. » Et on se rend compte que chez Thomas Mann, finalement, la marche dans la neige, c'est pas du tout une façon de s'élever, c'est une façon de s'enfoncer. Et les hauteurs, d'une certaine façon, pour lui, sont un enfer. Donc tout est inversé et la montagne devient effectivement morbide. Or, je trouve que il a... Évidemment, c'est un lieu commun de dire ce que j'ai dit au départ de cette émission, c'est-à-dire de faire un parallèle entre l'ascension intellectuelle et l'ascension réelle. Beaucoup d'auteurs l'ont fait, Michelet en particulier dans son livre sur la montagne que je cite aussi au départ. Alors, pour échapper à ce poncif, ce lieu commun, d'une certaine façon, Mann a complètement inversé les choses. Mais c'est pas plus vrai d'une certaine façon, et on le voit très bien enfin en écoutant François Damilano. Le K2, comme l'Everest d'ailleurs, pour les alpinistes, ce ne sont pas des montagnes morbides. Et même si il y a parfois des cadavres qui sont laissés sur les routes, les voies empruntées par les alpinistes, en particulier dans l'Everest. J'y suis pas allé non plus. Mais vous avez raison. Sur les restes, il y a un cadavre avec des bottes vertes qui est une espèce de point de repère. Une espèce de point de repère pour les alpinistes. Ce sont des balises. C'est une balise. Voilà. Il y a vraiment des bottes vertes. Oui, et en fait, ces malheureux alpinistes qui ont laissé la vie sur l'Everest et qui ne peuvent pas être redescendus portent quasiment tous des surnoms. Et effectivement, ce cadavre est surnommé Green Boots. Et ce qui est étonnant quand on va à l'Everest, donc il est côté tibétain, c'est que les grimpeurs qui ont déjà gravi l'Everest ou les guides qui encadrent les expéditions commerciales s'en servent dans leurs récits. C'est-à-dire quand ils vous décrivent la dernière journée d'ascension et ce que vous allez rencontrer comme difficulté, ils vous disent, voilà, après le second ressaut, ne soyez pas surpris, vous allez rencontrer Green Boots, qui est un peu sur la droite, sur une plateforme. Alors ça paraît très choquant, étonnant pour le public, mais il faut bien s'imaginer qu'une fois de plus, dans ces très hautes altitudes, où il est difficile de survivre, où il est difficile de se mouvoir soi-même, il est quasiment impossible de redescendre un corps. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Pour rebondir sur ce que disait Daniel Parroquet à l'instant, quand dans le film, et quand on vous écoute, on a la même impression, vous avez l'air parfaitement heureux, y compris dans les passages où l'effort physique est intense. Ah mais moi, je n'ai pas un rapport morbide à la montagne. J'ai pas d'angoisse, je ne développe pas d'angoisse particulière avec la montagne. Alors, ça, c'est mon rapport personnel. Ouais, et Sylvie Lavaux non plus, hein, elle dit « j'ai pas peur, j'ai jamais peur en montagne ». Sylvie, qui est donc l'himalayiste franco-suisse que je suis lors de son ascension de l'Everest, et que vous je filmez. Suis, voilà, que je filme dans l'ascension du K2, et là qui vient de repartir pour tenter le Manaslu, qui est un autre sommet de 8000 mètres qui se trouve au Népal, puisqu'elle est partie dans cette course étonnante de collection des 14 sommets de plus de 8000 mètres, donc qui balise l'arc himalayen et qui est une forme de challenge dans le milieu des himalayismes. Donc pour en venir, moi je ne développe pas de peur particulière. J'ai pas cette relation morbide à la montagne, sinon je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Moi, je suis plutôt un prosélyte de l'alpinisme heureux. Je vais en montagne pour être heureux, je vais en montagne pour me remplir d'énergie, je vais en montagne pour pouvoir raconter des histoires à ceux qui n'ont pas forcément cette possibilité ou ce bonheur. Ça n'exclut pas la réalité de ce qui se passe en haute montagne, bien évidemment. Mais si vous comparez les deux expériences dont on parle, vous avez fait l'Everest avec succès. Le cas 2, il y a l'avalanche qui a détruit votre matériel, vous avez dû renoncer. Quel rapport ça entretient en vous vis-à-vis de ces deux montagnes? Quelle est l'expédition qui finalement vous a le plus marqué, le plus satisfait peut-être? L'Everest dans mon parcours d'alpiniste a évidemment été un point important parce que dans ma propre petite mythologie, je me souviens très très bien de la première ascension française en 1978 par Jean Afanassieff, Pierre Mazeaud et Nicolas Jagger. Et à l'époque, il y avait eu un film qui était passé à la télévision française. Et moi, j'étais un jeune manceau puisque je suis originaire de la plaine. Et je regardais ça avec beaucoup d'envie. Donc à un moment donné, quand j'ai eu la possibilité de gravir l'Everest, j'ai eu l'impression tout d'un coup de rassembler comme ça ma vie de grimpeur. Et en plus, j'y suis allé caméra à l'épaule, ce qui était très important pour moi. Et j'ai eu le bonheur de filmer le lever de soleil depuis l'antécime de l'Everest, qui s'appelle la citadelle. Et je dois avouer que ce moment dans ma vie de grimpeur, filmer le lever de soleil depuis le sommet de l'Everest, est quelque chose d'extrêmement prégnant pour moi. Et je suis parti au K2 avec le même enthousiasme, en étant absolument persuadé que ça allait se dérouler, j'allais dire presque aussi facilement que notre expédition à l'Everest. Et évidemment, ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Et c'est ce que je raconte dans le film. Et vous comptez y retourner ? Je ne sais pas si je retournerai au K2, parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, le fait de faire du cinéma de montagne m'intéresse presque plus que de faire de la montagne. Il faut quand même aller en montagne pour faire du cinéma de montagne. Bien évidemment, mais il y a tellement d'autres sommets, il y a tellement d'autres histoires à raconter, je voudrais pas m'enfermer dans une espèce de quête. Et j'ai pas cette nécessité absolue. Par contre, effectivement, j'espère repartir sur des sommets de plus de 8000 mètres. Alors, à la fin de son livre, Daniel Parocchia cite Nietzsche, dont on a déjà parlé. Nietzsche dit « Ce n'est pas la hauteur qui est terrible, c'est la pente ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et dans le film, c'est l'impression qu'on a. C'est la pente, les pentes du K2, c'est presque de la verticale, quoi. Sophie Laveau ne cesse de dire « C'est raide. C'est 3000 mètres sans répit ». Oui, ce qui est impressionnant effectivement sur cette montagne du K2, c'est qu'il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de cassure. Les camps d'altitude sont montés à même la pente, 35 degrés, 40 degrés. Essayez de mettre votre lit et votre matelas à 45 degrés pour dormir, vous verrez que c'est pas très très confortable. Donc tout est inconfortable quand on gravit le K2. Mais une fois de plus, ça en fait son challenge et ça en fait son parfum supplémentaire, c'est de savoir gérer ces situations-là. Daniel Parocchia. Il y a que le camp sur l'épaule qui est un peu moins pentu. Alors paradoxalement, c'est celui qui est le seul camp qui est confortable, c'est celui qui est effectivement en haut de ce qu'on appelle l'épaule, en haut de la Black Pyramid. Et nous y avions dormi précédemment une nuit de manière assez agréable. Enfin, on avait pu creuser une plateforme horizontale pour installer les tentes. On avait fait un dépôt de matériel. On n'avait pas pu tenter le sommet lors de cette tentative parce que le temps n'était pas avec nous. On était redescendu. Puis de nouveau, on remontait vers cette pente. Et paradoxalement, l'avalanche a balayé complètement ce camp. Donc là, ça pose une autre question. Alors moi, je vais vous interroger. Vous, les philosophes, une question qui ne cesse de m'interroger en termes d'alpiniste, c'est le croisement des courbes entre le hasard et le destin. Qu'est-ce qui fait partie de ce que l'on est capable de maîtriser, puisque je revendique de faire un alpinisme en conscience? Et à quel moment, finalement, ça nous échappe, malgré notre technicité, malgré notre réflexion et malgré notre expérience? Je ne vais pas répondre à la place de Daniel Parocchia, qui est le spécialiste, mais il me semble qu'un philosophe qui s'appelle Cournot disait que le hasard, c'est quand deux trajectoires déterministes se croisent. Elles sont indépendantes, elles se croisent. Oui, il y a la cordée qui avance avec ses propres règles, ses propres contraintes. Il y a la montagne, sa neige, qui a ses contraintes propres. Et puis, le hasard fait que ces deux trajectoires se rencontrent et votre camp de base est balayé. Oui, moi, j'ai tendance à penser que le hasard n'existe pas, mais je peux faire une fausse route, de manière philosophique. Donc je vous interroge là-dessus, sur cette notion de hasard. Ou est-ce que c'est, comme disent les philosophes, une aporie, une question que je ne devrais pas me poser ou qu'on ne peut pas résoudre? Daniel Parocchia. Moi, je pense que les lois des probabilités sont quand même sans être aussi déterministe, évidemment, que les lois newtoniennes, c'est quand même un déterminisme statistique. Alors, c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe, parce qu'il y a des chiffres, quand même. Donc, ici, on est quatre dans ce studio. Si on allait tous au K2, il y en a un qui revient pas. Hein. Ah oui. Sauf si on a de la chance. 25, plus de 25, j'ai les chiffres exactement. 85. C'est 25,8% de morts. Hein. Sauf si on décide de faire mentir les statistiques et que compte tenu de vos qualités propres, on va justement inverser cette courbe. Oui, bien sûr. Mais enfin, il y a quand même une pente là aussi qui est quand même un peu contraignante. Bon. Donc, si vous voulez, il y a quand même, avec le K2, une statistique de survie qui est pas en faveur de celui qui s'y engage, qui dépend des avalanches, de l'exactitude de la météo, du degré des pentes de la route choisie, etc. Il y a quand même des données statistiques. Alors, à partir de là, bien sûr, il y a la volonté humaine qui peut être très forte, il y a les qualités propres de l'alpinisme, de l'alpiniste, la qualité de son matériel, de ses soutiens, etc. Parce que on grimpe pas au K2 tout seul, hein, il faut un support avec les baltis qui sont l'équivalent des Sherpas. Enfin bon, vous en aviez, je pense, Benoît Chamou, en 1986, me semble, a réussi l'ascension du K2 depuis le pied de l'éperon des Abreuses, un peu au-dessus du camp de base et le sommet, en moins de 23 heures, mais donc c'est une ascension solitaire, mais sur une voie entre guillemets préparée, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres expéditions sur les ponts des Abruzzes, si bien que les passages difficiles étaient équipés de cordes fixes qui facilitent l'ascension. Il n'en demeure pas moins que c'était une ascension tout à fait exceptionnelle de ce grand alpiniste français. Profit et Pierre Béguin ont ouvert un nouvel itinéraire côté nord, donc sur le versant chinois, à deux, en ce qu'on appelle en technique alpine, c'est-à-dire sans support aide extérieure de Sherpa ou de porteurs pakistanais, sans installer de cordes fixes. Et c'est l'une des très grandes performances himalayennes tout court. C'est plutôt une course de neige de ce côté-là. Les hautes montagnes sont très neige et glace, mais il y a quand même des passages rocheux et mixtes. Et une fois de plus, ce qui est impressionnant dans l'ascension de Béguin et Profit, c'est cet engagement à un moment donné sur la montagne et cette décision en particulier lors du sommet de Pouch, lors du dernier jour, de savoir que bien évidemment, il faut qu'ils aillent vers le haut puisqu'ils sont là pour ça, mais ils ne sont pas sûrs dans leur fort intérieur, de revenir. Et c'est toujours cette espèce de question cruciale, jusqu'où l'on doit mettre sa vie en jeu par rapport à un exploit que l'on espère. Et bien sûr qu'après coup, l'analyse est facile. Une fois qu'on est redescendu, qu'on a renoncé ou qu'il y a eu un accident et que les gens extérieurs analysent, il aurait dû ou il aurait pas dû. Mais ça, c'est toujours de l'analyse a posteriori. Ce qui est intéressant en alpinisme, c'est le moment de la décision. Qu'est-ce qui fait que vous continuez ou que vous faites demi-tour. Et ces moments de tension sont très particuliers. On va reparler du moment de la décision, mais là, je dois prendre la décision de passer le morceau de musique choisi par Daniel Parrocchia. C'est son tour. On va l'écouter, ensuite il nous le présentera. Daniel Parrocchia, c'est votre choix. Oui, alors j'ai pris donc Sibelius, la symphonie numéro 6, le début de la symphonie numéro 6. parce que, évidemment, ça fait un peu grand linceul blanc, mais c'était exactement ce que je voulais. Parce que ce qui me frappe au K2, donc, étant donné sa situation, c'est d'abord la marche d'approche, et en particulier la marche sur le grand glacier du Val Thoreau. Et je trouvais que ces violons très, très aigus, qu'on retrouve dans tous les films qui parlent du Nord, enfin en particulier The Idea of North de Glenn Gould, par exemple, il avait aussi utilisé des musiques de Sibelius, comme ça. Ça donne une impression de platitude et d'enneigement. Et puis, au bout d'un moment, quand même, on arrive en face du K2, et là, ça devient plus dramatique et on change de tonalité. Voilà. François Damilano, je peux me permettre un commentaire? Oui. C'est exactement les musiques que je ne peux pas écouter pendant une expédition. Mais sans doute pour la raison que Daniel Parot. Je suis impressionné effectivement par l'explication de Daniel, mais effectivement, l'émotion, on a une émotion qui est tellement à fleur de peau, qui est tellement disponible, que si j'écoute une telle musique en regardant le K2, mais je me mets à pleurer. C'est trop envahissant. Il y a trop d'émotions par ailleurs. Puis, oui, il y a trop d'émotions. C'est redondant. Vous avez raison. Tout à fait similaire. Vous l'avez en visu. Tandis que moi, je suis obligé de m'y transporter. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ce biais qui me donne l'impression de... Daniel Parocchia, dans votre livre, il y a une phrase, enfin, il y a une définition du K2 qui m'a laissé rêveur. J'aimerais avoir vos éclaircissements. Vous dites, le K2 est une variété projective géométriquement intègre, lisse et propre, pour laquelle la méthode de descente rencontre des obstructions. Oui, alors c'est ce qu'on pourrait appeler une joke, hein, une sorte de plaisanterie. On parle pas des mêmes K2, là. À la façon du genre de plaisanterie que faisait le groupe Bourbaki, qui inventait des noms de structures assez drôles, du genre petit tonneau, borné, cerclé, bon, pour désigner un espace vectoriel comme ceci et cela. Alors là, effectivement, le fond de vérité de l'affaire, c'est que le K2, en tout cas dans son sommet, sur son aspect sommital, est une pyramide, donc un tétraèdre. Bon. Alors, il y a certaines surfaces mathématiques, des surfaces algébriques, qui, quand on les étudie dans un espace projectif, ont cette allure-là, un peu plus compliqué d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des tétraèdres par côté. Donc, variété, bon, la notion de variété généralise la notion de surface, donc variété projective. Alors, géométriquement intègre, bon, ça, je vais pas expliquer, parce qu'il faudrait que j'explique ce que c'est qu'un anneau intègre, donc c'est du langage mathématique de mathématiques, de topologie. Compact, voilà, il s'agit de topologie. Lisse et propre. Alors là aussi, ça renvoie à des caractéristiques particulières de ces variétés de Calabi-Yau dont les surfaces K3 sont les plus petites. Et pour finir, pour laquelle la méthode de descente rencontre des obstructions. Donc là aussi, ça me paraissait amusant parce que effectivement, donc on parle d'obstructions en mathématiques quand on a un certain nombre d'exceptions à une règle générale qui empêche d'avoir les propriétés qu'on voudrait avoir dans certains cas. Et là, dans le K2, d'abord, on se rend compte que il y a beaucoup de cordées qui arrivent au sommet. Et c'est souvent dramatique d'ailleurs, parce que ça peut être des couples aussi. Hein, donc, le couple Bâtard, par exemple. Barard, hein, qui sont morts tous les deux. Maurice et Liliane Barard. La descente. Il y a le cas de Duc d'Aubarède. Alors, c'est presque de l'humour noir, parce qu'il fait partie d'une cordée avec 11 autres personnes. Il y a une avalanche, donc ça emporte les cordes fixes, ça les emporte aussi tous ensemble. Et lui, comme profession, il était assureur. Donc, c'est vrai que là, on se dit que... C'est plus des maths, c'est de la psychanalyse. Une coïncidence tout à fait troublante, aussi troublante que le fait que le bracelet de Sophie Lavaux se casse à la fin de votre expédition. Bon, donc, il y a donc des cordées qui descendent et qui rencontrent effectivement des obstructions, alors au plan réel, parce qu'il y a des passages difficiles, il y a le bottleneck qui est incliné, je ne sais pas, moi j'ai lu qu'il était à 80 degrés, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin c'est un serra qui est très très raide et qui barre l'accès au sommet. La pyramide noire, la cheminée house, il y a des passages où là, il y en a qui sont encombrés de cordes qui sont déjà là, il faut se frayer un chemin, prendre les bonnes et pas celles qui tiennent pas, enfin bon, etc. Donc il y a plein de pièges dans cette montagne. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Ce qui est quand même curieux, ce qui fait que le livre de Daniel Parocca ne ressemble à aucun autre, comme je l'avais dit, et qu'il est fascinant, c'est que on peut utiliser le K2 en tant que montagne pour parler de mathématiques à propos des surfaces K2, oui. Et réciproquement, parler de mathématiques pour comprendre le K2 de la montagne. Non, et puis la subtilité et effectivement le plaisir du lecteur dans ce livre, c'est de partir en montagne et puis tout d'un coup de se retrouver au milieu des équations mathématiques. On ne sait pas par quel subterfuge Daniel nous a entraînés là, mais effectivement on comprend, on grimpe et puis tout d'un coup on est tout à fait dans un autre monde et les passerelles qu'il crée sont tout à fait étonnantes. Mais il y a peut-être un cas analogue que vous citez d'ailleurs vous-même, Daniel Parocca, c'est le mont analogue, ce livre incroyable de René Daumal, oui, qui est défini lui-même comme un roman d'aventure alpine non euclidienne et symboliquement authentique. Et qui est un roman inachevé. Voilà, ouais. Comme votre expédition. Voilà. Oui, alors là, c'est une entreprise beaucoup plus poétique, mais aussi qui a une dimension métaphysique. Et puis il invoque quand même la relativité générale. La théorie d'Einstein de la gravitation. Oui, alors... Mais est-ce que pas davantage burlesque que scientifique, René Daumal? Oui, c'est possible. Il y a quand même des phrases étonnantes. Il y a quelques phrases étonnantes où... Les chaussures, ce n'est pas comme les pieds, on n'est pas né avec, ça, on peut donc les choisir. Il y a quelques aphorismes tout à fait savoureux. Mais sur le plan rapport entre les mathématiques et la montagne, là, c'est une montagne. Alors, le mot analogue, c'est une montagne invisible. On ne sait pas exactement où elle est. Et alors, pour la trouver, il explique qu'il faut, comme en géométrie, là, quand on pratique l'entreprise qui s'appelle une synthèse, il faut supposer le problème résolu pour remonter jusqu'aux conditions de possibilité qui rendent la solution possible. Mais c'est ce qu'on fait en alpinisme, voilà. Vous avez raison. Bon, alors je trouve que oui, c'est à la fois une méthode mathématique et probablement aussi une méthode qu'on utilise en alpinisme, puisque le problème de l'alpinisme, il est confronté quand même à une surface qui a une certaine topologie et qui est la montagne, et il faut qu'il trouve les espaces faibles, enfin la ligne qui va lui permettre, avec un maximum d'économie, en tout cas au début, hein, je parle de la première fois qu'on la gravit. Après, une fois qu'on la gravit une fois par la voie normale, on peut se fixer des objectifs évidemment plus élevés. Mais au départ, le problème est quand même de trouver l'arête, par exemple pour le K2, l'arête des Abruzzes. Il y a eu une discussion avec Crowley en 1902, il avait parfaitement repéré, tout loufoque qu'il soit, par où il fallait passer. Il voulait imposer cette voie aux autres. Les autres protestaient, il s'est mis en colère. Enfin, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, il en est venu aux mains avec ses coéquipiers à 6000 mètres d'altitude. Enfin, il avait sorti un revolver. Enfin, bon, je ne sais pas, il paraît que c'est peut-être une légende. Une hallucination. Bon, mais enfin, il y a cette idée de trouver la voie la plus praticable et de repérer les faiblesses de la montagne, enfin c'est là où effectivement il est possible avec une certaine économie de moyens de la gravir. Et François Daniel, est-ce que vous avez l'impression de résoudre un problème topologique quand vous faites comme ça l'ascension d'une montagne à la forme si particulière? On résout davantage une problématique psychique. C'est-à-dire qu'on se visualise au sommet. Il faut se visualiser au sommet pour pouvoir gravir une montagne ou pour pouvoir tenter une ascension. Et puis après, on se confronte à cette visualisation. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que l'on ait besoin d'une période de deuil quand on ne réussit pas un sommet. Quand l'expédition s'interrompt avec Sophie Laveau au K2, donc l'été dernier, on a un moment de désarroi et il faut plusieurs heures, plusieurs jours pour accepter, entre guillemets, cet échec parce qu'on s'est visualisé au sommet de la montagne. Comme les gymnastes peuvent visualiser leur enchaînement de mouvements pour pouvoir les réaliser parfaitement, et bien nous, les alpinistes, on s'y visualise à un moment donné au sommet et c'est cette tension qui va nous porter pendant toute l'ascension. Daniel Parocca, vous voulez réagir? Est-ce que c'est la même chose pour écrire un livre? Est-ce que pour écrire un livre, on a besoin d'imaginer que le livre un jour sera terminé et On a. C'est différent si on écrit de la philosophie ou si on écrit de la littérature. Puisque je fais un peu les deux, je vois la différence. Un livre de philosophie, j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai un projet. Et j'ai des textes aussi que je peux combiner. Je trouve que la philosophie, paradoxalement, est plus facile à faire que la littérature parce que il y a déjà du matériel. On a le projet, on se projette effectivement vers la fin du livre parce que on sait ce qu'on veut démontrer et on argumente ensuite en fonction, c'est-à-dire on trouve la voie qui permet d'arriver au bout. Alors en littérature, c'est beaucoup plus souple. D'abord, on ne sait pas forcément toujours ce qu'on veut dire clairement. On cherche. Moi, je fais beaucoup d'essais, de variantes, etc. Je passe beaucoup de temps à gribouiller du papier, à écrire certains passages, et puis à les rayer. C'est comme si vous faisiez une première, vous ouvrez une voie. Oui, alors exactement. Quand on fait de la philosophie, on s'appuie sur des prises qui sont déjà installées. Oui, donc oui, on peut dire que quand on ouvre un nouvel itinéraire, on fait de la littérature, et quand on répète un itinéraire déjà gravé, on fait de la philosophie. Je vais retenir ça. Alors, c'est malheureusement, on va devoir terminer dans quelques secondes, mais je voulais quand même faire part d'une remarque. Daniel Parocca, dans la dernière phrase du livre, c'est la dernière phrase de la lettre que vous avez reçue de cet inconnu. Oui. Je ne sais pas s'il est toujours inconnu, d'ailleurs. Oui. Peut-être que vous l'avez identifié, ce monsieur qui vous alerte sur la parenté qu'il y a entre les mathématiques et l'alpinisme à propos du K2 et du K3. Et vous dites, cette dernière phrase est la suivante. « On comprend les alpinistes et les mathématiciens. Mieux vaut vivre et mourir en altitude. » Je ne sais pas si cela a plus de sens, mais cela a plus d'allure. Une phrase terrible. Oui, parce que j'ai écrit ce livre en 2010, enfin dans un contexte économique, politique qui me paraissait très déprimant. On avait le sentiment, enfin en particulier de la part des hommes politiques, que pour eux le pouvoir était la marche supérieure et qu'il n'y en avait pas d'autre. Et évidemment, pour un chercheur, on se dit mais alors qu'est-ce qu'ils font de Pasteur, qu'est-ce qu'ils font d'Einstein, qu'est-ce qu'ils font de etc. Et je trouvais chez les alpinistes au fond le même type de désintéressement quand même qu'on trouve dans la recherche pure. On sait bien sûr que ça finira par avoir un certain nombre de conséquences pratiques. Les alpinistes amènent un certain nombre de connaissances sur la physiologie humaine, l'acclimatation aux grandes altitudes. Ils font progresser la technique aussi, non seulement d'ascension des montagnes, mais la technique au sens large. Hein. Et bien sûr, il y a des conséquences pratiques. Mais malgré tout, dans leur idée, c'est pas du tout ça. Ils gravissent pas une montagne pour avoir ces conséquences pratiques. Là, pas plus qu'un chercheur ne prouve un théorème ou ne construit une théorie philosophique avec l'idée que ça va s'appliquer. Voilà. Et ils sont très désintéressés. Par exemple, les mathématiciens, Perelman, qui a démontré la conjecture de Poincaré, a refusé le prix. Non seulement le prix Abel, mais le prix qui était proposé par la fondation Clay. Voilà, la fondation Clay, qui était des millions de dollars. Nous n'avons même pas le temps de d'entendre la réaction à ce que vous dites de François Damilano. Si, juste une phrase. Oui. Je pense que les alpinistes, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi les alpinistes ont beaucoup de bonheur à fréquenter les écrivains et les philosophes. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus dans ce studio. Je pense que vous feriez une belle cordée, surtout dans le cas d'eux. Merci François Damilano, merci Daniel merci Parocca. À vous. Merci. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Pascal Bénard et à la réalisation François Connac.